Lecture d'enfance. Les contes s'écoutent à tous les âges et à toutes les époques. Ainsi Cendrillon, que l'on connaît le plus souvent dans les versions de Charles Perrault ou des frères Grimm. Mais Cendrillon est un conte universel dont on retrouve des variations dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, dans la collection Sous la cendre, une Cendrillon canadienne. Sous la cendre, figure de Cendrillon. Version canadienne. Cendrillonne, conte de la Mauricie. Une fois, c'était un paysan. Il avait une petite fille. Elle s'appelait Alexandrine. Après que sa mère a été morte, la petite fille avait rien que 2 ans. Son père dit « Elle est trop jeune pour rester toute seule ». Ça fait qu'il a rencontré une vieille femme, puis il lui a demandé pour l'épouser. Il a dit qu'il avait une petite fille. La femme, elle s'est dit en elle-même, « Je vais avoir soin de la petite fille, mais je vais avoir à manger 3 fois par jour. » Mais quand elle a vu Alexandrine, elle trouvait qu'elle était bien belle. Son père, le soir, quand il arrivait de l'ouvrage, ben il s'occupait d'Alexandrine. Quand elle a eu à peu près 4 ou 5 ans, là, elle a commencé à lui envoyer chercher de l'eau au puits. Tu comprends, elle était toujours toute sale, elle se traînait à 4 pattes à terre, sa robe était toujours toute déchirée. Quand son père y était pas, elle la faisait manger dans un coin. Et quand les voisines venaient pour la voir, elle lui demandait comment ça se faisait qu'elle était toujours sale de même. Là, ben, la femme a dit « C'est une vraie Cendrillonne. On va l'appeler Cendrillonne. Elle est toujours sale, elle veut jamais se laver. » Elle disait que c'était la petite fille qui voulait pas se laver. Et puis quand elle est venue plus vieille, là, disons vers l'âge de 6 ou 7 ans, ben là, elle a commencé à lui faire laver ses planchers. Ben, comme il n'y avait pas de brosse, il n'y avait pas de guenille, rien, ça fait qu'il fallait qu'elle aille se chercher des branches. Elle prenait des branches de sapin, puis elle lavait le plancher. Ben, c'était comme une brosse. Elle avait tout le plancher à genoux avec ça. Et puis, il fallait qu'elle retourne en chercher d'autres pour l'assécher son plancher. Là, quand elle se levait de là, elle était encore sale, hein? Et puis, ben, la vieille, elle la chicanait, elle la traitait de salope. Elle disait « T'es toujours une vraie Cendrillonne. » Mais à la minute que son père arrivait le soir, bon, ben, elle traitait Cendrillonne pareil comme si rien n'avait été. Mais là, elle disait toujours à Cendrillonne « Si t'en parles à ton père, je vais faire la même chose à ton père. » Comme Cendrillonne aimait son père, elle voulait pas que rien lui arrive à son père. Ça fait qu'elle faisait voir de rien. Mais une fois, son père avait cru de s'apercevoir. Il est arrivé plus vite qu'il pensait, puis il a cru de s'apercevoir que sa femme maganait Cendrillonne. « Mais c'est elle qui m'a demandé de l'appeler de même, parce qu'elle aime ça, ce nom-là. » Il a demandé à Alexandrine, il dit « C'est-il vrai? » Elle dit « Oui, je n'ai pas ça, ce nom-là. » Mais là, son père a réussi à emmener sa fille loin un peu de sa femme. Puis il lui a demandé voir si, le jour, si elle était maganée. Elle lui a dit que non, qu'elle en avait bien soin, puis qu'elle la faisait manger. Elle lui a pas dit qu'elle mangeait dans un coin, puis qu'elle mangeait rien que les restants de table, puis tout ça. Parce qu'elle avait trop peur que son père soit magané. Quand elle est venue assez vieille, là, vers l'âge de 16 ou 17 ans, prête à marier, là, la femme, elle, voulait la garder avec elle, mais la faire travailler. Elle, son plaisir, c'était de la maganer quand son mari était parti. Elle lui en voulait, elle était tellement jalouse d'elle que plus qu'elle lui en faisait, la femme, plus qu'elle était contente. Quand elle s'est aperçue que Cendrillonne se plaignait pas, ben là, c'est encore bien pire. Elle exagérait tous les jours. Puis, un soir, ils ont eu une nouvelle qui s'en venait un prince au château. Il invitait toutes les filles de la région, qu'il se cherchait une femme, puis qu'il choisirait la plus belle. Le soir, Cendrillonne, elle dit à son père, « J'aimerais ça y aller. » Son père lui dit, « C'est correct. Je vais y aller t'acheter des toilettes, puis tu iras. » Mais après que Cendrillonne a été sortie, sa femme a dit à son père, « Tu y penses pas? Envoyer ta fille à la veillée du prince? Peut-être qu'elle sera maganée quand ils verront que t'es rien qu'un simple paysan. Puis, elle aimerait peut-être pas ça. Elle qui a jamais parti de la maison. » elle a découragé le père de Cendrillonne de la laisser aller. Quand Cendrillonne est rentrée dans la maison, elle qui était toute contente d'aller au bal, là, son père a essayé de lui faire comprendre que si elle allait au bal, peut-être qu'elle serait choisie par le prince, puis qu'elle serait misérable. Elle partirait, elle s'éloignerait, puis lui, il y aurait de la peine. Elle, à la minute qu'elle a entendu dire que son père aurait de la peine, elle dit « Correct, j'irai pas. C'est correct, je vais rester avec vous. Je veux pas que vous ayez de la peine. Puis c'est vrai, peut-être que je m'ennuierai. » Après que son père a été couché, puis sa mère, sa marraine la fée est apparue à Cendrillonne. Elle a dit à Cendrillonne, « Tu vas y aller au bal. » « Non, ma mère va chicaner mon père. » « Tu vas y aller au bal. Tu vas aller rencontrer le prince. Et puis occupe-toi pas de ta mère. Je vais m'en occuper, moi. » Mais comme sa mère dormait pas, elle est venue voir par le trou de la serrure de sa chambre pour voir qu'est-ce qui se passait dans la cuisine. Et puis elle a vu la marraine de Cendrillonne. Là, bien avec sa baguette magique, Cendrillonne, le temps de le dire, était tout habillée comme une vraie princesse. Elle était tellement belle. Elle lui avait tout bouclé ses cheveux. Ses cheveux sont venus toutes bouclés avec des beaux gros rubans roses qu'elle avait dans ses cheveux. Et puis, elle lui avait fait mettre un beau bouquet de corsage, de la même couleur que les boucles qu'elle avait dans ses cheveux. En tout cas, elle paraissait d'une vraie reine. Et puis, elle lui avait donné ses gants. Ils étaient faits avec le même matériel que sa robe. Là, bien, elle a dit à Cendrillonne, « Tu vas y aller, mais tu reviendras à minuit. » En tout cas, elle était tellement belle que la couronne qu'elle avait, puis les diamants qu'elle avait après elle, ça éclairait dans toute la cuisine. La vieille, sa mère, quand elle a vu ça, tu comprends qu'elle était jalouse de ça, mais elle n'a pas fait voir de rien. Après que Cendrillonne est partie pour aller au bal, là, sa marraine l'a prévenue. Elle dit, « Seulement, il faut que tu partes avant minuit. » Parce qu'à minuit, tu reprendras ta forme comme tu étais avant, tes vieilles robes et puis tout ça, parce que ça, la magie, est bonne jusqu'à minuit. Elle est allée au château. Puis là, le prince, quand il l'a vue, tout de suite, il est tombé en amour avec. Puis elle aussi, elle aimait le prince. Mais quand là, minuit a commencé à sonner, elle a dit au prince, « Il faut que je m'en aille. » Le prince voulait pas en tout. Il la tenait par la main. Elle a parti à courir, puis le prince la tenait par la main. Quand elle est arrivée dans l'escalier pour descendre, elle a commencé. Ses souliers, ils se sont changés en sabots. Tu sais, elle avait des vieux sabots. Mais ses gants, le prince s'est trouvé à garder un de ses gants dans ses mains. Puis elle a parti. Quand elle est arrivée chez eux, la vieille l'attendait dans la cuisine, elle. Là, elle lui a dit, je t'avais dit de pas aller au bal, puis tu y as été. Là, tu vas voir ce que je vais faire à ton père. Là, bien, Cendrillonne s'est mise à genoux. Elle lui a dit de pas faire de mal à son père. Bien, si tu veux pas que je fasse de mal à ton père, tu vas partir, tu vas t'en aller. Parce que si le prince vient qu'à te retrouver, si tu viens qu'à marier le prince, je ferai mourir ton père de misère, de peine et de... Cendrillonne lui a dit, « Je vous jure que le prince ne me retrouvera pas, puis je vais m'en aller. Qu'est-ce que vous allez dire à mon père parce que je suis partie? » Je lui dirai que c'est parce que t'as été entêtée. Il n'a pas voulu que tu ailles au bal du château, puis que tu t'es choquée, puis que t'es partie. » Bien. Ce sera plus facile de même. Au lieu d'avoir de la peine, il va dire « Bien, c'est mieux de même. » Ça fait que là, Cendrillonne s'en est allée dans le bois. Le lendemain matin, quand son mari s'est levé, il a demandé où est-ce qu'était Cendrillonne. Sa femme lui a dit « Elle est en colère après toi. Hier, t'as pas voulu qu'elle aille au bal du prince, ça fait qu'elle s'est sauvée. » Elle a dit qu'elle savait pas quand elle reviendrait. Elle est partie. Le paysan, pour commencer, ça lui a fait de la peine. Mais là, la vieille l'a rassuré en lui disant que c'était juste une crise qu'elle avait faite, mais qu'avant longtemps, elle dit « Peut-être avant ce soir, elle va revenir. » La vieille le savait que Cendrillon ne reviendrait pas, elle. Puis là, elle s'est dit en elle-même « À cette heure, il va s'occuper de moi. À cette heure que Cendrillon est partie. » Mais le prince, lui, après, tu sais, quand il a eu perdu Cendrillon de vue, là, il a commencé à faire une recherche où qu'elle pouvait être. Là, ils ont toutes faites les maisons. Ils l'ont pas vue nulle part. C'était des pages qu'il avait engagées pour la chercher. Ils ont rencontré le père à Cendrillon dans le champ. Il était dans le champ. Ils lui ont demandé voir si sa fille, où elle était. Là, il a dit que sa fille était partie sur un coup de tête parce qu'il l'avait empêchée d'aller au bal le soir. Il y avait un bal du château, puis il l'avait empêchée d'y aller. Lui, il savait pas. Sa femme lui avait pas dit que Cendrillon était allée au bal. Puis là, ils ont dit, c'est parce qu'hier, il est venu une fille, une vraie princesse, au bal. Et puis, si on la trouve pas, on va être condamné à mort. Tous ceux à qui le prince avait demandé, faudrait qu'ils cherchent tant qu'ils trouveraient pas la princesse, sinon ils seraient tous tués. Puis le prince y faisait rien que pleurer. Il l'aimait déjà. Il l'avait vu rien qu'un soir. Et puis là, les pages en s'en retournant le soir, il y en a un qui a rencontré Cendrillon dans le bois. Puis lui, malgré qu'elle était mal habillée, il a cru de la reconnaître par sa figure. Là, il s'est assis avec elle, il s'est mis à lui parler. Mais elle, elle lui a pas conté qu'elle avait été au bal. Le deuxième qui est passé, encore, il a recru de reconnaître Cendrillon. Mais lui, il lui a pas dit qu'il travaillait pour le roi, pour le prince. Il s'est assis. Il lui a dit qu'il était écarté. Il lui a demandé « Qu'est-ce qu'une belle fille comme toi fait dans le bois ?» « Bien, une belle fille comme moi, je suis Cendrillon. »« Mais qu'est-ce que tu fais toute seule dans le bois? Où est-ce que tu restes? »« Je reste toute seule dans le bois. Je vais finir mes jours dans le bois. » Là, elle, à force de parler avec le page, elle l'a pris en amitié. Elle s'est mise à compter un peu qu'elle était allée à la veillée du prince, que le prince, en partant, à minuit, qu'il avait gardé son gant. Là, son autre gant, il lui manquait rien qu'un gant. L'autre gant, elle l'avait sur elle. Puis, en souvenir, elle l'avait attaché après sa ceinture de robe, pour pas le perdre. Parce qu'en ayant rien qu'un gant, c'est la seule chose qui avait pas disparu. Ça fait que le page, lui, quand il a vu le gant, il a bien vu que c'était bien elle qui était la princesse. Là, il a dit à Cendrillon, « Tu vas m'enseigner le chemin pour aller au village. » Là, elle lui a dit par où passer. Quand il est arrivé au château, il a dit au prince, « Je l'ai vue, la princesse! » Il lui a conté comment est-ce qu'elle était, puis qu'elle avait mis son gant attaché après la ceinture de robe. Le lendemain, le prince, lui, il est parti pour aller à sa recherche. Elle était assise au pied d'un arbre. Lui, le prince, bien, il a fait le moins de bruit possible pour arriver juste au ras d'elle. Et puis elle, d'un coup, elle s'est aperçue que les branches bougeaient. Ça fait qu'elle s'est retournée, elle a vu le prince. Là, quand elle a vu le prince, elle s'est levée, elle lui a crié de pas approcher. Là, le prince a commencé à lui dire qu'il l'aimait puis qu'il voulait qu'elle le marisse. Elle, elle lui a dit qu'elle pouvait pas faire ça, qu'elle avait fait une promesse que jamais qu'elle pourrait le marier. Mais quand elle a vu que le prince avançait tout le temps, puis qu'il était pour la pogner, elle a parti à courir, puis elle est arrivée au ras d'un buisson. Elle s'est cachée dans le buisson. Là, lui, il a commencé à la chercher. Mais elle, elle s'était couchée. Elle bougeait pas. Pas en tout, pas en tout. Ça fait qu'il a resté 3 jours, là, à essayer de la chercher. Quand il a vu qu'il la trouvait pas, il a cru qu'elle était partie. Ça fait qu'il est parti au château. Il y avait une montagne pour traverser dans une autre place, de l'autre côté, où qu'il y avait des arbres. Mais il fallait qu'elle monte cette montagne-là. Là, elle a monté de peine et de misère. Elle voulait tellement que son père soit heureux, qu'il soit pas magané. Ça lui a donné le courage de réussir à passer par-dessus la montagne, de traverser par l'autre bord. Ça s'est trouvé, là, dans l'automne, là. Le prince, lui, à force de la faire chercher, il la trouvait pas. De jour en jour, il l'aimait de plus en plus malgré qu'elle était pas là. Ça fait qu'il a tombé malade. Ça fait que le roi forçait les pages à essayer de la trouver. Une fois, le roi, c'était l'ouverture de la chasse. Il est parti avec ses chiens pour aller à la chasse. Lui, quand il allait à la chasse, il allait toujours à la chasse de l'autre côté de la montagne. Il y avait un chemin secret qu'il avait, lui, pour traverser la montagne, parce qu'il y avait des chevreuils, il y avait toutes sortes d'animaux sauvages qu'il aimait à manger. Il était de l'autre côté de la montagne, il a aperçu Cendrillonne, mais elle l'a pas vue. Elle entendait japper les chiens, mais lui, elle l'a pas vue. Lui, il a cru par sa figure de la reconnaître. Mais là, ça faisait tellement longtemps qu'il l'avait pas vue, puis qu'elle mangeait pas. Elle était blême, puis, tu sais, elle avait maigri. Elle était toute déprimée, toute déchirée. Les chiens, il a envoyé ses chiens après. Là, les chiens, eux autres, au lieu de lui faire du mal, ils l'ont tout entouré. Elle s'est assise. Elle se demandait comment ça se fait qu'il y avait tant de chiens que ça qui étaient arrivés à elle tout d'un coup. Elle s'est assise dans le milieu, puis les chiens l'ont entourée. Là, bien, elle a commencé à flatter les chiens, puis à leur parler. Mais le roi avançait toujours par en arrière, lui. Elle a commencé à compter aux chiens, pour elle. Elle pouvait parler sans que les chiens disent rien. Là, elle a commencé à dire aux chiens qu'eux autres, ils étaient bien plus heureux qu'elle. Qu'eux autres, ils pouvaient courir dans la nature, puis qu'ils pouvaient retourner dans leur foyer, tandis qu'elle, elle pouvait pas. Elle comptait cela aux chiens. Mais le roi, lui, quand il est arrivé en arrière d'elle, il l'écoutait parler. Elle a tout conté son histoire aux chiens. Pour sa mère, comment est-ce qu'elle la maganait, puis que si elle avait accepté de marier le prince, que sa mère ferait mourir son père de misère. Là, le roi lui a dit, il a répondu là-dessus, « Crains rien. Reviens au château avec moi, je te jure qu'elle sera punie. » Là, elle s'est levée pour partir, mais lui, il l'a pognée, puis il lui a dit que son fils, le prince, l'aimait, que si elle revenait pas, qu'il mourrait de peine. Elle a dit, « Non, parce que je veux pas que mon père meure, puis qu'il meure de misère. » « Ma mère va lui faire toutes les misères voulues pour ça. » Le roi dit, « Non, je vais arranger ça. » Ça fait qu'il l'a emmenée au château. Tu comprends? Quand le prince l'a vu arriver, il s'est trouvé guéri, lui. Là, ils lui ont fait faire des belles robes. Ils lui ont fait faire toutes les toilettes dignes d'elle. Là, ils ont fait venir son père à elle au château. Quand le père de Cendrillonne est arrivé au château, là, elle s'est jetée dans ses bras. Là, son père a réalisé qu'elle avait été maganée par sa femme. Puis là, le roi, il a tout conté à son père. La fille Cendrillonne voulait pas lui conter à son père, mais le roi lui a tout conté. Là, lui, il s'est trouvé, parce qu'il s'était pas aperçu que sa femme avait magané Cendrillonne, tu sais. Il s'est trouvé tellement déçu de sa femme qu'il s'est mis à la haïr. Le roi a dit, « Si vous voulez, vous allez être mon conseiller, mon bras droit au château. Je vais vous engager. » Son père a accepté, le père de Cendrillonne. Et puis là, ils se sont mariés. Mais la vieille, elle, qui était restée toute seule dans la cabane, elle s'est trouvée bien choquée de ça, de voir que Cendrillonne avait gagné son point, puis qu'elle avait perdu son mari en plus. à tous les jours. Plus qu'elle pensait à ça, plus qu'elle se choquait. Une bonne fois, les voisines ont commencé à se moquer d'elle, la vieille. Ça fait qu'une voisine qui arrive, elle lui dit que son mari était grand-père, que Cendrillonne avait une petite fille. Là, elle a fait une colère assez forte qu'elle en est morte pendant sa colère. Depuis ce temps-là, bien, Cendrillonne vit heureuse au château, puis son père est toujours près d'elle. C'était Cendrillonne, dit par Geneviève Boivin, extrait de La Bête à sept têtes et autres contes de la Mauricie, présenté par Clément Legaré, Montréal. La petite Anguillette, ou Cendrillous, conte du Nouveau-Brunswick. Une fois, c'était un vieux qui avait marié une veuve. La veuve avait une petite fille. Le vieux en avait une aussi. La petite fille du vieux, ils l'appelions la petite Cendrillous. Puis elle, la demoiselle, avait toute la misère. La petite de la veuve, elle faisait rien du tout. Sa mère voulait pas la faire travailler. La petite fille du vieux, elle faisait tout l'ouvrage. Par une journée, le vieux dit à sa femme, il dit « Je vais aller bûcher. » Il dit « T'enverras ma petite fille m'amener mon dîner. » Après que le vieux en est allé dans le bois, la vieille fait le dîner. Elle dit à la petite fille du vieux, la petite cendrilleuse, elle dit « Tu vas aller amener le dîner à ton père. » La petite cendrilleuse prend le panier, puis elle va amener à dîner à son père. Elle marchait le long d'un petit ruisseau, puis il y avait une petite souche. Elle a vu de quoi ce qui grouillait dans la petite souche. Elle s'avance. C'était une petite anguille, mais elle connaissait pas ça. Elle a pris la petite anguille, puis elle l'a mis dans son tablier, puis elle a amené ça à son père. Son père a dit « Qu'est-ce que t'as, ma petite fille, dans ton tablier? » Ben, elle a dit « Je sais, je connais pas quoi ce que c'est. » Lui, il a regardé. « Oh, il a dit, c'est une petite anguillette, il a dit. Tu la prendras, puis tu iras l'amener où ce que tu l'as pris. Mais prends garde d'y faire mal. » Après que lui, il a eu dîner, la petite fille s'en retourne. Elle prend sa petite anguille dans son tablier, puis elle s'en va, puis elle la pose au même endroit où ce qu'elle l'avait pris. Oh! La petite anguille y parle. Elle dit à la petite cendrilleuse, « Tu m'as sauvé la vie. Quand tu seras en peine, tu diras, « Petite anguillette, je veux que tu viennes à mon secours. » Elle dit, « Je serai à toi pour te sauver la vie. » Toujours la petite fille s'en va chez eux. Oh! La vieille, elle la faisait travailler, la petite fille du vieux. Elle était toujours après. Elle amenait mal. Il y avait le garçon du roi. C'était un prince. Il voulait se marier. Puis pour se marier, il voulait faire un bal pour que tout le monde y allait, pour qu'il pouvait se trouver une fille à son goût. Oh ben, la femme du vieux a dit, « Je vais y aller avec ma petite fille. » Oh ben, elle prend de la cendre avec de la graine de navot, puis elle a mis ça dans un bol. Elle dit à la petite Cendrillous, « Tu trieras tout ça. » Tu mettras les graines à navot d'un bord puis la cendre de l'autre. Elle dit, quand je serai revenu, si c'est pas tout trié, elle dit, je te... Et elle se greille avec sa propre fille, puis elle s'en va au bal. La pauvre petite cendrilleuse a resté toute seule. Elle s'est mise à commencer à trier ça. Mais elle pouvait pas en venir à bout. Toujours, elle a mis ça de côté, puis elle se met à pleurer. Bientôt, la petite anguillette retourne à elle, puis elle a dit... « Je t'avais dit, quand tu seras en peine, fallait que tu m'appelais. »« Ben, elle a dit, petite anguillette, je pensais jamais à toi. »« Ben, elle a dit, viens ici. » Là, elle prend la petite fille, puis elle l'amène dans un petit camp. Puis là, elle l'habille comme il faut, puis elle y donne un cheval. Elle la met à la tête du cheval, elle dit, « Quand t'arriveras au bal, elle dit, au moment que le prince va te voir, elle dit, tout de suite, il va te prendre, puis il va danser avec toi. » Mais elle dit, « Reste pas plus qu'une heure. Quand t'auras resté une heure, elle dit, tous tes habits vont changer sur toi. Elle dit, reste pas plus que ça, pas plus qu'une heure. Oh, toujours, quand le prince la voit arriver, ben, il prend Cendrillous par la main, puis il se met à danser avec. Quand elle s'aperçut que son linge changeait sur elle, elle a dit au prince, elle a dit, « Je suis obligée de m'en aller tout de suite, » a dit. « Moi, je suis rien que pour une heure ici. » Oh, il voulait qu'elle restait plus longtemps. Ben, a dit, « Je peux pas. » a dit, « Je peux rien que rester une heure. » Il a dit, « Viendrais-tu demain? » Ben, elle a dit, « Je ferai tout mon fin possible pour venir. » Toujours, quand elle a eu dansé une heure, elle s'en retourne à son petit camp où ce que c'est que l'Anguillette l'avion habillé, puis l'avion donné son petit cheval. Là, elle laisse tout cela, puis elle s'en retourne chez eux. Quand elle arrive chez eux, la vieille, le soir, arrive avec sa fille, a dit, « On a donc vu une belle fille. » Le prince, a dit, il a dansé tout le temps avec elle. Il a demandé voir si elle viendrait sur le lendemain, puis elle a dit que oui, que si elle pouvait venir. « Ah bon? » Cendrillus, elle n'a pas dit plus. Le lendemain matin, la vieille se graille encore avec sa fille, puis là, elle s'en retourne encore sur le prince. Cendrillus reste là. La petite Anguillette arrive, a dit, « Viens ici. » Là, elle l'habille comme il faut, puis elle y redonne un cheval, puis elle y met une paire de souliers de cristal dans les pieds. A dit, « Quand tu auras dansé, quand ton bal sera fait, va sur ton cheval pour t'en venir, puis là, tu vas perdre un de tes souliers. » A dit, « Tu feras timber ton soulier. » A dit, « Le garçon du roi va ramasser ton soulier. Le soulier qui ira au pied, a dit, il mariera la princesse. » A dit, « Il n'y a rien qu'à toi que le soulier va. Il fit à ton pied. » Oh, toujours, la petite fille a fait telle que la petite Anguillette a dit. Elle s'en va. Oh, quand le prince voit la petite fille arriver, il dit, « La même princesse qu'hier arrive encore. » Là, Cendrillus se met à danser avec. A dit, « Là, je suis pas plus qu'une heure. Faut que je m'en retourne. » Quand elle va pour embarquer à selle, elle loge un de ses souliers. Le prince trouve le soulier et a dit, « À qui le soulier qui fera au pied? » Il a dit, « Ça va marier. » Oh, la mère, la grosse, la grosse, là, s'en va avec sa fille chez eux. A dit, « Demain matin, là, faut que je retourne avec ma fille. » Elle a dit, « Si le soulier y fait pas, » a dit, « Je vais y chapoter le pied jusqu'à temps que le soulier y fait. » Toujours, le lendemain matin, elle se graille, puis elle s'en va avec sa fille. Elle amène un couteau avec elle. Toujours, elle essaye le soulier. Le soulier était trop petit. Par 3-4 fois, elle s'en allait dehors, puis elle chapotait sur le pied de sa fille. Quand elle a été pour essayer le soulier était trop grand. Il faisait pas. Tiens, Beto Cendrillus arrive. Là, le prince la prend par la main, puis il mit le soulier dans le pied. Le soulier, il faisait juste au pied. Il était fait pour elle. Là, il prend Cendrillus par la main, il a dit, « Parole de roi, je n'aurai jamais d'autre pour mariage que toi. » Là, le roi les marie. Elle s'en retourne voir sa mère puis sa sœur. Ben, elle dit, « Aujourd'hui, ma mère, je vais aller chez vous. » Elle a dit, « Non, je te connais pas. » Ben, elle dit, « Je suis la petite Cendrillus, » a dit, « J'ai marié le garçon du roi. » C'était La Petite Anguillette, ou Cendrillus, dit par Sylvain Savard, extrait des archives de folklore de l'Université Laval. Prise de son, montage, mixage, Bernard Laniel, Cécile Braque. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Christine Werner-Sugy. Sous la cendre, figure de Cendrillon, est édité chez José Corti. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.